du soir et le sommeil m'affondre sur la boue des trottoirs. India, India, India, India, India, India love. Tout ce peuple est en marche sur les quais, dans les gares. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il part. Yeah.